scusate. rassieds-toi. Je viens de faire du café. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça te fera du bien. Et puis si t'as envie, on pourra en parler. Je te sens un peu perdu, t'as le regard lointain. Ouais, j'y croyais pas, je les ai pris, persuadé que ça allait être d'une copie du faux. Non, puis j'ai fini par comprendre comment. Non, rien à voir avec ça. C'est simplement l'importateur chinois qui les rebalance sur le marché européen, comme il n'y a pas d'accord. C'est dans les magasins, enfin les Kamak et compagnie qui importent là, mais ils font des culbutes par 5. Ah là, c'est pas la Taka, ça, c'est une crafter. C'est une crafter, c'est coréen. J'ai une D28, une D18, pardon. Elle sonne mieux que la D18. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Là, sur celle-là, les cordes sont rincées en plus. Mais je chante dans la rue et je chante avec ça. J'utilise celle-là, elle a suffisamment de puissance.